À ce moment-là, on voit Othello revenir dans la chambre de Desdémone. Malgré toutes les dénégations aux accusations qu'Othello porte contre elle, Othello l'étouffe sous un oreiller. Et quand survient Emilia, Desdémone n'a que le temps de prononcer « Je meurs innocente ». Et comme Othello révèle alors à Emilia que c'est son mari, Iago, qui lui a dévoilé l'adultère, Emilia appelle au secours. Iago arrive, accompagné d'un des deux nobles vénitiens et du gouverneur de Chypre. En leur présence, Emilia accuse alors Iago pour ses mensonges et son infernale calomnie en se servant du mouchoir d'Esdémona comme prétendue preuve de l'adultère. Iago tue sa femme et s'enfuit. Othello, que l'on croyait avoir désarmé, intervient alors.